crois pas, moi je n'y comprends rien du tout, mais ça n'a pas plus de sens pour moi qu'un casse-tête chinois. La philosophie peut-elle tout penser, tout comprendre? Y a-t-il des objets plus respectables que d'autres? Parce qu'il n'y a pas que le temps, le bonheur ou la justice, tous les vendredis nous donnons la place à ce qui semble ne pas en mériter, à des objets inattendus, et aujourd'hui, la file d'attente. Putain, je transpire, pire, je suis en translé. Transport bloque, ça klaxonne, ça fait 2 heures que je n'avance qu'à petit feu, peu à peu, je pète les plombs. Le pauvre de derrière m'insulte et me traite de con. Sans les trous, je sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. À quoi pensez-vous quand vous faites la queue à la boulangerie, au cinéma ou dans les bouchons? Vous dites-vous qu'il y a un temps pour tout ou faites-vous preuve d'impatience? Êtes-vous du genre à sympathiser avec les autres ou être irrité? Jouez-vous le jeu ou tentez-vous de contourner les règles et de doubler quelques places? Mais avez-vous déjà pensé que vous faisiez exactement la même chose en dehors d'une boulangerie, d'une salle de cinéma ou d'une route? Que pour avoir un CDI, un avancement, une augmentation, vous étiez aussi dans une file d'attente à faire la queue, à attendre votre tour? Peut-être pas. Et pourtant, d'un magasin à la cour sociale, il se produit le même phénomène, le sentiment d'être à la fois comme tout le monde, mais qu'un jour viendra notre moment, à nous seuls. Mais si ce moment n'arrivait jamais, et que l'attente ne faisait que baisser toutes nos attentes? All right. So what do you want to do? I don't know now. You want to go to another movie? On a vu le film de Fellini mardi dernier. C'est loin d'être un de ses meilleurs. Mais il y a des lacunes au plan de la cohésion. Tu sais, on a le sentiment que... Je vais en faire un infarctus. Mais il n'écoute pas. Je l'écoute pas, mais il me bug son opinion en plein dans l'oreille. Je veux dire, tiens, c'est comme dans sa Juliette des esprits. Où sont... Pourquoi t'as le moral à la place? J'ai manqué ma thérapie, je ne me suis pas réveillée. Enfin, mais comment tu peux faire pour dormir à ce point? Personne ne m'éveille. Est-ce que tu comprends que c'est une conduite d'hostilité envers moi? Ah, évidemment, c'est à cause de notre problème sexuel. Non, écoute, tous les gens qui font la queue dans le New Yorker doivent connaître notre fréquence coïtale. Tiens, prenons Samuel Beckett. Oh. Tu sais que j'admire ses procédés. Mais voilà un gars qui ne me prend pas du tout au trip. J'en connais un que je prendrais au trip. Ah, je t'ai pris la vie. Mais il me positionne dans le cou. C'est vrai, il bavasse en me babotant dans la nuque. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se débarrasser d'un pignouf de cet acabit dans une queue? Bonjour Étienne Ollion. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur au CNRS, vient de paraître aux éditions PUF les candidats novices et professionnels en politique, livre dans lequel vous proposez une sociologie de la file d'attente. Quelle est la définition de la file d'attente? Une définition de la file d'attente... Ça semble assez concret. Ça peut avoir une forme extrêmement concrète. Hein, c'est les files physiques qu'on connaît, que vous avez mentionnées, devant les boulangeries, devant les préfectures, dans les aéroports, à différents endroits. Donc en fait, toute cette série de positions spatialement, mais donc aussi temporellement ordonnées, dans lesquelles des gens vont s'inscrire en espérant avoir accès à un bien ou à un service, ici un cinéma. Mais c'est quand même quelque chose de plus pour vous, la file d'attente? Pour moi, en fait, c'est à la fois ça, et ça c'est intéressant, et ça va avoir toute une série de propriétés, ces files physiques. Mais évidemment, si on pense la société comme une file d'attente, ou si on cherche à voir s'il n'y a pas des files d'attente dans la société, on se rend compte que on peut avoir un usage plus métaphorique du terme, dans lesquels il va y avoir la même organisation temporelle des carrières, de l'attente, des individus, et que donc il peut être fécond intellectuellement de tenter de faire ce parallèle entre ces files d'attente physiques qu'on voit dans la rue, que la pandémie a d'ailleurs complètement remis au goût du jour, et puis des situations dans lesquelles on n'aurait pas forcément pensé notre état comme une file d'attente, et pourtant c'est ça qui se joue. Mais ça c'est quelque chose qui est assez frappant quand on vous lit, Étienne Ollion, c'est qu'effectivement, pour tout le monde, une file d'attente, c'est vraiment un mauvais moment à passer, c'est très concret, c'est au magasin, au cinéma. Parfois, on sympathise avec les gens avec lesquels on attend. En général, on s'énerve, on déteste patienter. Mais en vous lisant, on comprend à quel point la file d'attente est une manière de comprendre comment nous sommes tous pris dans des mécanismes d'attente, et notamment dans la vie professionnelle, mais aussi dans un système de soins, dans un système de reconnaissance. On attend notre tour au travail, c'est vraiment vraiment frappant. C'est-à-dire que c'est vraiment à chacun son tour, il y a un ordre à respecter, il y a même une forme de morale en fait à qui s'y déploie, des normes qu'on a intériorisées. On ne se voit pas doubler les autres et on déteste ceux qui nous doublent d'ailleurs. Absolument, non, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Alors moi je le travaille sur le cas, comme vous l'avez rappelé, des responsables politiques, puisque finalement ce qui s'est passé en 2017, c'est que une série de personnes, novices ou peut-être un petit peu moins novices, ont contourné cette file d'attente de la politique qui s'était instituée, puisque jusqu'à 2017, il fallait passer beaucoup plus de temps dans des positions politiques subordonnées avant de pouvoir espérer un mandat national. Et donc, en pensant cette attente, qui avait largement augmenté au cours des 4 dernières décennies, comme un moment, comme une file d'attente, enfin en pensant voilà, je me suis dit qu'il pourrait être fécond d'appliquer le concept à ce moment-là et de voir comment les personnes ont contourné cette file d'attente et donc tout ce que ça fait, c'est-à-dire, hein, parce que l'attente est un moment productif qu'il ne faut certainement pas mettre de côté. C'est la leçon d'ailleurs de Vladimir Yankelevitch, hein, qui lui a travaillé sur l'attente, mais qui appelle notre attention sur le fait que l'attente, ça n'est pas un non-moment, ça n'est pas un non-objet. L'attente, c'est un moment où en fait, on va produire et se produire. Et il désigne ça d'ailleurs du concept de futurition. Et c'est ce que j'ai essayé de regarder. Donc, qu'est-ce qui se passe quand des personnes attendent, en fonction aussi de l'endroit où elles attendent, des conditions dans lesquelles elles attendent? Qu'est-ce que ça va produire sur leur manière de se représenter, de penser, hein, sur les attentes? Et puis sur leurs pratiques présentes et futures. Donc c'était vraiment ça pour vous, la question, on pourrait dire philosophique ou sociologique. D'ailleurs, votre travail, il est plutôt sociologique ou philosophique par rapport à la file d'attente ? Mon travail, il est conceptuel. Donc après, chaque discipline pourra décider de savoir si elle veut s'approprier ou voilà la paternité de la discussion conceptuelle. Il est aussi empirique, hein, puisque je travaille dans le livre sur le cas particulier de la politique. Mais en effet, le problème qui s'est posé à moi en travaillant ce concept, c'était cette question de l'attente. Et plus précisément, j'ai envie de dire de la file d'attente. Parce que l'attente, il y a en effet, on l'a évoqué, Yankelevitch, une longue tradition, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces questions-là. Moi, j'ai voulu travailler sur le sous-ensemble que constitue cette organisation spatialement différenciée des individus pour tenter de mettre à jour ce qui s'y fait, ce qui s'y dit et ce que ça fait sur les individus. Et donc, c'était l'objectif d'appliquer ça au champ politique, justement, et de se demander si les personnes qui ont attendu longtemps ces personnes ont une pratique différente une fois qu'elles arrivent à l'Assemblée de celles qui ont eu une carrière éclair, qui sont passées par exemple par des ministères, de celles qui n'ont jamais eu aucune expérience en politique parce qu'elles se retrouvent plongées dans le grand bain de la politique après les élections de 2017. Alors vous avez parlé de l'attente comme d'un concept proprement philosophique. Il y a quand même un philosophe qui a parlé de la file d'attente et c'est Sartre. Voici un groupement de personnes sur la place Saint-Germain. Elles attendent l'autobus à la station devant l'église. Je prends ici le mot « groupement » au sens neutre. Il s'agit d'un rassemblement dont je ne sais encore s'il est, en tant que tel, le résultat inerte d'activités séparées ou une réalité commune qui commande en tant que tel les actes de chacun ou une organisation conventionnelle ou contractuelle. Ces personnes, d'âge, de sexe, de classe, de milieux très différents, réalisent dans la banalité quotidienne le rapport de solitude, de réciprocité et d'unification par l'extérieur qui caractérise par exemple les citadins d'une grande ville en tant qu'ils se trouvent réunis sans être intégrés par le travail, la lutte ou toute autre activité dans un groupe organisé qui leur soit commun. Il faut remarquer d'abord, en effet, qu'il s'agit d'une pluralité de solitude. Ces personnes ne se soucient pas les unes des autres, ne s'adressent pas à la parole, et en général ne s'observent pas. Elles existent côte à côte autour d'un poteau de signalisation. Solitude organique, solitude subie, solitude vécue, solitude conduite, solitude comme statut social de l'individu, solitude comme extériorité des groupes conditionnant l'extériorité des individus, solitude comme réciprocité d'isolement dans une société créatrice de masse. Toutes ces figures et toutes ces oppositions se retrouvent à la fois dans le petit groupe considéré, en tant que l'isolement est un comportement historique et social de l'homme au milieu d'un rassemblement d'hommes. C'était un extrait de la critique de la dialectique de Jean-Paul Sartre. Alors, on a entendu dans cet extrait, interprété par François Raison, tout le paradoxe en fait de la file d'attente, à savoir la file d'attente rassemble des inconnus, mais il individualise aussi ses membres d'un groupe qu'il vient de former, on pourrait dire. Tout à fait. Hein. Alors, c'est ce que dit Sartre ici dans des termes relativement clairs par rapport à certains passages compliqués de la critique de la raison dialectique. Mais Sartre, prend ce concept de file d'attente qui est assez fondamental pour lui. Hein. Enfin, c'est plus généralement le concept de série, en fait, dans lequel il explique que les individus sont mis les uns à côté des autres, mais sans forcément avoir de vraie existence commune. La série, en fait, chez Sartre, qui relève du domaine pratico-inerte, c'est ce qui va s'opposer au groupe qui, par la praxis, va avoir une représentation et des pratiques communes. Et le groupe, c'est, chez Sartre, évidemment, le moteur du changement possible, le groupe révolutionnaire en étant le meilleur exemple. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse, nous, en fait, cette idée-là? Parce que la file d'attente, à la fois, c'est des gens qui sont alignés les uns à la suite des autres, et en même temps, c'est des gens qui ne nouent pas une vraie relation les uns avec les autres, en tout cas, si on suit Sartre, et il faut le suivre pendant un instant, parce qu'ils ont tous le même désir d'accéder au bien et au service qui est au bout, et donc les individus se mettent un petit peu à l'écart et surtout évitent s'inquiètent en fait de se voir potentiellement doublés. Alors ça c'est la définition sartrienne, et si on l'applique en effet à d'autres espaces, on voit bien que ça fonctionne à peu près pareil, c'est-à-dire que vous pouvez avoir toute une série de relations à l'intérieur d'une file d'attente. On entendait tout à l'heure dans Annie Hall des gens qui discutent, des groupes qui se forment et qui se déforment. Si on travaille ou qu'on regarde les travaux sur la Russie soviétique, qui a été un grand fournisseur de files d'attente, on voit aussi que ces files ne sont pas du tout anomiques, comme pourrait le laisser penser Jean-Paul Sartre, parce que il y a toute une série de relations de sociabilité, voire même de solidarité qui peuvent se nouer dedans. Je vous garde votre place, attention, ils sont en train de nous doubler, etc. Mais ce sur quoi Sartre met l'attention ici, c'est vraiment le fait que au moment où il va falloir en fait tenter d'obtenir un bien, la solidarité va exploser en éclats et que les individus se retrouveront complètement éclatés. Et c'est la métaphore dans un autre endroit de la critique de la raison dialectique, du bus. Vous avez une série. J'ai dit critique de la dialectique, mais c'est critique de la raison dialectique, pardon. Je n'avais pas vu, mais Jean-Paul Sartre explique, à travers cette métaphore du bus, il explique qu'il y a des individus qui sont situés les uns à côté des autres et qui attendent en fait un bus qui arrive et qui est un bus qui va arriver bondé. Et la situation des individus placés dans cette existence sérielle, puisque c'est le terme qu'il utilise, va être de tenter de monter dans le bus, de se sauver individuellement, plutôt que de prendre conscience de leur situation en tant que groupe et éventuellement de pouvoir retourner l'interrogation face à la compagnie de bus ou au transport public qui organise la pénurie ou qui n'organise pas la résorption de la pénurie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant, c'est-à-dire de penser la formation d'un groupe avec presque des normes qui se créent de manière spontanée de sociabilité, presque des normes qui ne sont pas dites, qui ne sont pas connues. Alors, il y a les normes de politesse, par exemple, on va dire pardon, on va essayer de pas parler trop fort et tout, des règles de bienséance, mais quand même, il y a des normes de sociabilité qui se construisent presque de manière spontanée, mais qui néanmoins ne fondent aucun lien, en fait, aucune durabilité, pérennité du lien, ce qui fait que par exemple quelqu'un va pouvoir s'émanciper de ces règles-là en disant je double tout le monde et finalement ça va pas avoir tant de conséquences que ça. Ce qui se passe aussi d'ailleurs dans le monde professionnel. Oui, oui, tout à fait. C'est un endroit où il se passe énormément de choses, mais qui est quand même régi par une série de normes. Il y a une espèce d'économie morale de la file d'attente avec l'idée que il y a des choses qu'il va falloir respecter, il y a un parcours à suivre, et ce parcours, si certains s'avèrent vouloir l'éviter ou accélérer, ça va donner lieu à des réprobations, à de l'aigreur, à des tensions, et il y aura des rappels à l'ordre. La question, c'est est-ce que les rappels à l'ordre seront seront efficients ou pas? Et est-ce que les gens qui sélectionnent dans la file d'attente, parce qu'on a parlé de la file d'attente de la boulangerie, mais on pourrait parler de la file d'attente d'un club sélectif, à l'entrée duquel il y a un videur qui va choisir en fait les gens qu'on fait rentrer, dans cette situation-là, on a évidemment des personnes qui vont aller plus vite que d'autres et qui vont provoquer des sentiments d'aigreur ou d'injustice chez ceux qui vont rester à l'extérieur. Donc il y a vraiment deux dimensions. D'un côté, c'est un groupe dont la sociabilité est presque uniquement formelle, on pourrait dire. Et puis, il y a aussi la création de normes qui ne sanctionnent pas tant que ça. En fait, c'est vraiment, du coup, c'est est-ce qu'on retrouve ce schéma de groupe et de sociabilité et de normes ailleurs, en fait, dans la société, ou est-ce que c'est vraiment propre à la file d'attente? Ça, je suis pas certain. Déjà, je crois qu'il faut faire attention à ne pas considérer que dans la file d'attente, il n'y a pas de sociabilité. Moi, je pense que vraiment, il y a 1000 sociabilités qui existent à l'intérieur d'une file d'attente, qu'elles sont surdéterminées par les attentes de cette configuration sociale et puis des produits ou des services qu'on voudrait avoir. Mais il y a énormément de choses qui se passent. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les agents du KGB, donc la police politique de l'Union soviétique, plaçait des agents à l'intérieur de ces files d'attente parce qu'ils savaient qu'il s'y jouait énormément de choses. On écoutait les conversations, on sondait les opinions, on faisait attention en particulier aux blagues qui pouvaient avoir lieu comme manière en fait de dire la politique sans la dire exactement. Et donc les files d'attente étaient un point d'observation de la société aussi en train de se produire à travers ces endroits-là, ou en tout cas en train de se révéler. Donc ça, c'est il se passe des choses dans la file d'attente. Ce que j'essaie de dire, c'est que au moment où on voudrait accéder à quelque chose, peut-être que là, la solidarité qui existait et qu'on voyait devant les files d'attente qui durent, des fois en URSS, duraient 24 heures pour avoir un billet de train, et donc des gens prenaient des tours. Cette situation-là, en fait, va exploser au moment où on peut accéder à quelque chose. Et c'est un peu ce qui s'est passé, à mon avis, avec les députés LREM, dont on parlera peut-être. C'est que certains étaient déjà dans la file d'attente, un parti s'est ouvert, une opportunité s'est ouverte, et donc ils ont rejoint Emmanuel Macron, et ce faisant, en fait, ils ont gagné 5 ans, 10 ans, 20 ans de vie politique dans lesquels ils auraient dû autrement être patiemment inscrits à attendre leur tour. Et ben justement, on va en parler. On va entendre la voix d'une députée LREM de la 4e circonscription du Val-d'Oise, c'est Naïma Mouchou. Elle est la première à arriver à l'Assemblée nationale ce matin. Naïma Mouchou, avocate de 35 ans et fraîchement élue députée, est très émue. C'est un grand honneur pour moi. C'est beaucoup de fierté aussi d'incarner, d'avoir le renouvellement dans la vie politique française. Je suis très heureuse. C'est la consécration de toute cette très longue campagne. Mère de deux enfants, la jeune femme assume et revendique sa position de députée novice. Si c'est en politique politicienne, je suis novice et j'en suis fière. En revanche, je suis avocate de formation et je pense avoir toute ma place à l'Assemblée nationale. Je pense que ce qui a compté dans les suffrages, c'est la volonté des gens de changement dans la politique. C'était donc la voix de Naïma Mouchou. C'était une archive du 19 juin 2017. On l'a vu, 2017, c'était la présidentielle, les législatives. Il y avait un souffle nouveau qui portait sur la politique, où on devait avoir du renouvellement, de la jeunesse, de la société civile. Et c'est exactement ce genre de profil de candidats, comme vous les appelez, Étienne Auillon, qui ont contourné cette file d'attente, qui ne sont pas passés forcément par être dans des partis, être assistant parlementaire, qui, effectivement, elle le précise, elle est avocate, donc elle n'est pas non plus, elle n'a pas 20 ans, elle vient pas d'avoir le bac seulement, elle a quand même une formation, mais néanmoins, elle ne connaît rien à la politique. Oui, tout à fait. 2017 a quand même été un moment particulier, parce que à la fois, on a eu une campagne politique qui s'est organisée sur un thème qui est finalement assez peu mobilisé au moment des élections, c'était un thème interne au champ politique, la question de l'identité et de la profession des responsables politiques. D'habitude, on parle plus d'islam, de sécurité, d'environnement, enfin, ça dépend des années, voilà. En général, ça revient assez, cela. Oui, cela, on les entend assez souvent. Enfin, l'environnement, ça peut varier, mais les autres, on les a depuis longtemps. Donc, la campagne était particulière de ce point de vue-là, surtout quand quelqu'un avec un programme plutôt du centre, en tout cas à l'époque, va déployer cette thématique qui est plutôt une thématique d'outsider. En général, la critique de la caste politique au pouvoir, c'est plutôt une thématique de personnes qui viennent, qui sont sur les franges du spectre politique. Et là, c'était pas vraiment le cas. Mais la campagne a été aussi particulière parce que elle a, suite à la victoire d'Emmanuel Macron, elle a donné lieu à l'arrivée d'une population qu'on ne voyait jamais plus à l'Assemblée nationale depuis extrêmement longtemps. Et cette dame qu'on a entendue en fait tout à fait partie, c'est des novices, c'est-à-dire des gens qui n'avaient eu aucune expérience d'élu. Aucune expérience de salariat, vous parliez des collaborateurs parlementaires, il y en avait beaucoup à l'Assemblée, même pas une longue expérience militante, dans laquelle c'est une autre manière d'attendre son tour. Elle, à l'Assemblée de 2017, a vu en fait 100 à 120 personnes être projetées dans le bain de la politique avec une expérience absolument nulle. Et donc on a vu des gens qui n'avaient même pas eu le temps d'attendre, parce que c'est des gens qui 6 mois avant ne seraient pas candidats, eux-mêmes, 3 mois avant ne savaient pas qu'ils seraient retenus comme candidats, 2 semaines avant ne savaient pas qu'ils seraient élus et qui se retrouvent j'étais là ce jour-là aussi, le 20 juin 2017 à l'Assemblée nationale à faire leur rentrée. Alors comment ça s'est passé? Parce que c'est ce que vous racontez hein, dans votre livre Les candidats. Comment ça s'est passé, Étienne Auillon, pour mener votre enquête? Vous étiez déjà là, en fait, vous étiez déjà à l'Assemblée en train de mener une enquête quand ces députés-là sont arrivés et vous avez pu faire la comparaison entre des députés qui avaient été élus ou qui étaient déjà là, qui avaient pour le coup fait cette file d'attente, attendu patiemment leur tour et constater la différence avec ces nouveaux députés. Oui, c'est ça. C'est que j'avais dans un travail précédent qui s'était arrêté très peu de temps avant, travaillé sur la question de la professionnalisation de la politique, donc d'une certaine manière l'inverse en fait de ces novices. Et quand j'ai vu l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai repris mon bâton de pèlerin et j'ai demandé des autorisations à l'Assemblée nationale, qui m'a donné, il faut le dire, hein, une carte d'accès très généreuse. Et donc j'ai pu aller passer des heures avec les parlementaires à voir en fait leur grand soir de découverte et leur petit matin de déception. Donc vous demandiez à les suivre, à faire des interviews avec eux? Oui, absolument. J'étais ce que les ethnographes appellent faire du terrain. Donc j'étais sur le terrain du matin au soir pendant des semaines et des semaines. Et puis ensuite, l'année a repris. Mes activités professionnelles autres aussi, d'enseignant. Et donc, je suis venu de manière plus ponctuelle. Et donc, j'ai mené cette enquête sur le long terme. J'y étais encore un an plus tard quand les débats sur la réforme constitutionnelle se sont fracassés sur le récif Alexandre Benalla et que l'Assemblée a dû ajourner. Et puis, j'y suis revenu ensuite. Alors, avec la pandémie, c'était plus compliqué, mais de temps à autre, pour voilà, prendre le pouls, faire des entretiens, observer les élus dans leur pratique du quotidien. C'est quand même un ressort assez intéressant, cette observation. Demander des rendez-vous. Et puis aussi, c'est mon côté plutôt statisticien, dont je pense qu'on ne parlera pas ici, trouver les bonnes données. Et alors, quelle comparaison vous avez pu établir entre ces deux types, on va dire, de députés qui ont eu des rapports différents à cette file d'attente? C'est intéressant ce travail parce que, de mon point de vue, ça permet de sortir, ce travail sur la file d'attente, ça permet de sortir des oppositions que je trouvais parfois un petit peu stériles autour du thème pour ou contre la professionnalisation. Je l'ai dit tout à l'heure, la campagne de 2017 s'est faite contre ces fameux professionnels de la politique, à tel point qu'à l'Assemblée nationale, plus personne n'osait se nommer ainsi. Et au contraire, en fait, on cherchait à montrer et à mettre en avant une identité extérieure. Il y a des parlementaires qui, sur leur fiche biographique de l'Assemblée nationale, un ancien Premier ministre, par exemple, marque expert en communication, alors qu'il est rentré en tant que membre du cabinet de Michel Rocard à la communication en 1989. On déjouait... Une sorte de honte à être un professionnel de la politique. Une sorte de honte à être un professionnel. Et c'est, à mon avis, cette situation-là, avec quand même un point aveugle, c'est que... il ne faut pas oublier que dans l'attente, en fait, on va y revenir dans un instant, dans le temps passé, il y a de la formation, en fait. C'est ce que j'ai tenté de faire. Et donc de montrer qu'il y avait à la fois dans cette carrière longue, des moments de formation. Vous avez des gens qui sont compétents, qui connaissent les dossiers, en tout cas on peut l'espérer, qui ont eu le temps de se forger à la procédure parlementaire et donc de ne pas faire de bévue, de couac, etc. Donc ça, la file d'attente, elle est très intéressante de ce point de vue-là, mais elle a aussi un défaut, c'est qu'elle tend à conformer les individus. Elle les forme et elle les conforme, elle les rend relativement homogènes dans les manières de parler, dans les manières de s'habiller, dans les manières de penser. Et donc, il faut penser, en fait, à cette espèce de caractère normatif de l'attente sur les individus. Et ça, on le voyait assez bien, du coup, dans le contraste avec ces novices qui, eux, justement, arrivaient avec des manières de faire, des manières de voir extrêmement différentes. Alors, sur les manières de voir, ils étaient évidemment pour la plupart membres du parti présidentiel, donc il y avait quand même une ligne idéologique, mais les utiliser pour voir à travers leurs yeux et à travers leur être entier la surprise de cette plongée dans le grand bain de la politique nationale a été extrêmement fécond pour moi, pour comprendre ces différences de trajectoire et ce que ça faisait aux représentations et à la pratique, et puis pour décrire aussi ce monde politique national. C'était une expérience naturelle, vous plongez dans un bain des gens qui vont être soumis à toute une série de forces et vous pouvez les observer en action. Et comment ils sont sortis, ces individus, finalement? Est-ce que le fait d'avoir contourné la file d'attente, ça leur a donné une assurance folle? Est-ce qu'ils ont véritablement fait souffler un vent nouveau sur la politique? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont été aspirés par l'institution politique, par justement, parce qu'on parle de file d'attente, mais en fait, une des grandes dimensions de la politique, c'est le temps politique, c'est-à-dire des grands temps d'attente, il y a des cérémonies, il y a de longues séances, il y a des votes, mais il y a aussi une rapidité, il y a un agenda politique à suivre, il y a des moments frénétiques. J'imagine, est-ce que ces candidats là, ces députés novices, ils avaient un rapport à la temporalité qui leur ont permis de renouveler cette politique, ou au contraire, ils ont été aspirés par cette temporalité-là? Il y a peut-être deux questions dans votre question, donc je réponds vite à celle qui est peut-être évidente, parce qu'on le sait maintenant, c'est: est-ce que ça a changé la politique? Et la réponse, c'est non, parce que en fait, les novices n'étaient pas sur le moment équipés en fait pour faire cela, et que ça a même servi en fait ceux qui étaient plus équipés à prendre des positions rapidement. Et donc, ce que je montre dans le livre à plusieurs endroits, c'est que finalement, on a eu un changement des visages, mais on n'a certainement pas eu un changement des pratiques à l'Assemblée. Tout au plus, les parlementaires ont supprimé le port de la cravate dans l'hémicycle. Je pense qu'on pouvait attendre un petit peu plus avec les promesses de 2017 au niveau du fonctionnement des institutions. Je suis un petit peu méchant ici, mais je pense quand même que ça résume à peu près l'état de la discussion. Par contre, en effet, ce que faisait le temps politique passé avant, c'est qu'il apprenait aux parlementaires et qu'il leur faisait désirer le bain dans lequel ils allaient se retrouver ensuite. Et vous parliez justement des rythmes de vie, de ce temps qui est à la fois frénétique et lent, moi que j'appelle un temps dilaté, parce que quand on fait de la politique 24 heures sur 24. On ne peut pas, en fait, sortir du monde politique, à la fois parce que vous avez, en tant que parlementaire, vos 4 jours à Paris, où vous allez être présent, faire des réunions, enchaîner des réunions, etc., etc. Mais aussi parce que, quand vous êtes en circonscription, vous avez tout votre travail, de rencontres, représentations, aides, et que donc, rares sont les élus, en fait, qui ont pris le temps, justement, de protéger les week-ends. D'ailleurs, c'était presque impossible. Il n'y a pas de fiche de poste pour un parlementaire. Mais on ne pourrait pas, en fait, faire cela et espérer être réélu, vu les attentes, justement, qu'ont les citoyens vis-à-vis des élus. Donc, ils ont découvert, ces novices, un monde politique qui les a énormément surpris, du point de vue du rapport temporel, du point de vue de la perte d'anonymat. Et beaucoup, en fait, se sont exprimés là-dessus en disant, depuis le côté le plus trivial et parfois plaisant de « je suis reconnu dans la rue » ou « je fais attention à comment je m'habille quand je vais faire mes courses » jusqu'à « je suis interpellé en permanence et on m'agresse, y compris sur les réseaux sociaux ». Donc ils ont vraiment découvert un monde politique tout à fait différent, et ils n'y avaient pas été préparés par justement cette longue phase de socialisation. Et de file d'attente, où effectivement on est à la fois formé et conformé. On va entendre tout de suite un texte, j'imagine, qui vous tient à cœur, Étienne Ollion. C'est un texte de Pierre Bourdieu, justement sur l'attente. Le pouvoir absolu est le pouvoir de se rendre imprévisible et d'interdire aux autres toute anticipation raisonnable. De les installer dans l'incertitude absolue en ne donnant aucune prise à leur capacité de prévoir. Le Tout-Puissant est celui qui n'attend pas et qui, au contraire, fait attendre. L'attente est une des manières privilégiées d'éprouver le pouvoir et le lien entre le temps et le pouvoir. Et il faudrait recenser et soumettre à l'analyse toutes les conduites associées à l'exercice d'un pouvoir sur le temps des autres, tant du côté du puissant, renvoyer à plus tard, lanterner, faire espérer, différer, temporiser, sursoir, remettre, arriver en retard, ou à l'inverse, précipiter, prendre de court, que du côté du patient, comme on dit dans l'univers médical. un des lieux par excellence de l'attente anxieuse et impuissante. L'attente implique la soumission. Visée, intéressée d'une chose hautement désirée, elle modifie durablement, c'est-à-dire pendant tout le temps que dure l'expectative, la conduite de celui qui est, comme on dit, suspendu à la décision attendue. Il s'ensuit que l'art de prendre son temps, de laisser le temps au temps, de faire attendre, de différer tout en faisant espérer, de sursoir, mais sans décevoir trop complètement, ce qui aurait pour effet de tuer l'attente elle-même, est partie intégrante de l'exercice du pouvoir. Alors, j'ai une grosse hémorragie et le cœur qui est très faible. Ça vient un bloc. Docteur, s'il vous plaît, ça va bientôt être à moi. Une seconde. Non, parce que j'étais là avant le monsieur, moi. Bon, allez-y, montez-le. Oh la vache, c'est pire en pire. J'ai l'impression qu'on me griffe le poumon avec un coton-tige. Alors, vous êtes revenu nous voir, qu'est-ce qu'il va? Vous avez sûrement déjà dû vivre ça, cette attente à l'hôpital ou aux urgences ou chez le médecin alors que vous souffrez le martyr. On vient d'entendre juste avant un extrait des Méditations pascaliennes chapitre 6, l'être social, le temps et le sens de l'existence, texte de Pierre Bourdieu interprété par François Raison. Ce texte est vraiment génial, Étienne Ollion, parce que est dit de manière tout à fait claire la puissance de celui qui détient la gestion du temps. Celui qui a le temps a le pouvoir de faire patienter les autres, alors que celui qui patiente, et c'est en général ce qui se produit quand on est aux urgences, c'est vraiment celui qui a intériorisé le fait qu'il ne pouvait pas dominer dans cette situation, qu'il n'avait pas les clés en main et qu'il était vraiment soumis à la domination, au désir d'autrui. Tout à fait. L'attente, c'est le moment dans lequel on espère quelque chose. Et donc, si on espère quelque chose, c'est qu'on n'a pas la possibilité de l'avoir à ce moment-là. Et c'est là que, justement, je trouve que les files d'attente sont vraiment intéressantes parce que elles sont un concept que je trouve fécond, mais aussi parce que elles donnent à voir, dans leurs traductions les plus physiques, ce mécanisme par lequel des individus socialement différenciés vont attendre. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une file d'attente? Bah, vous avez des gens qui sont là en train d'espérer un bien. Et qui sont ces gens? Bah, statistiquement, en tendance, ça va être des personnes qui sont plus pauvres. Les files d'attente, elles montrent quoi? Elles montrent d'abord qu'il y a une pénurie, qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Mais elle montre aussi que on a des individus qui sont en général un peu plus pauvres, un peu plus dominés, comme le dirait Bourdieu, et qui attendent. Vous avez des magasins de pauvres, vous les gens qui sont à l'aéroport, qui attendent, en fait, c'est les gens qui n'ont pas le passe coupe-file, qui n'ont pas de jet, évidemment, mais qui n'ont même pas le passe coupe-file. Les gens qui vont chez le médecin, bah, y a des médecins qui vont vous faire payer plus cher, mais vous n'attendrez pas, alors que si vous avez chez un médecin de Seine-Saint-Denis, vous aurez des longues files d'attente dans la salle d'attente. Le magasin de pauvres est intéressant, ou le magasin qui s'adresse à une clientèle de pauvres, parce que vous avez de longues queues devant les caisses, parce qu'il y a peu de personnel, alors que dans le magasin de riches, dans le 6e, le 7e arrondissement, vous allez avoir autant de vendeurs qu'il y aura de clients qui, dès que vous rentrez dans le magasin, vont venir vous accueillir, etc. Donc l'attente, la file d'attente, elle est un extrêmement bon révélateur des rapports de pouvoir qui se jouent au niveau macro dans une société donnée et au niveau micro dans des relations individuelles qui peuvent exister. Et il y avait un point intéressant dans la phrase de Bourdieu que vous citiez, il prend le terme de patient, en fait. Oui. Et c'est intéressant de penser les choses comme ça parce que, d'une certaine manière, on peut se demander ce que la patience imposée fait justement à ces patients. Et donc là, on est plutôt dans le caractère productif de l'attente dont on parlait tout à l'heure, dont Yankelevitch en fait avait déjà traité. Quand on est dans une position d'attente, on se retrouve à aussi intérioriser progressivement sa domination et le fait qu'on est dans une position de demandeur. On est dans la situation où on va devoir en fait espérer quelque chose, enfin on espère quelque chose et on ne va peut-être pas l'avoir. Et donc les files d'attente de ce point de vue-là sont un bon révélateur d'une série de phénomènes sociaux plus larges. On va tout de suite entendre un extrait de la série The Crown, on pourra rebondir sur ce texte aussi de Pierre Bourdieu, mais ça va parfaitement illustrer votre propos, Étienne Ollion. Her Majesty the Queen here taking the royal salute, the key moment in this, the Queen's annual birthday parade. Mm-hmm. Alors que la Household Division lève les couleurs, les téléspectateurs à la maison ainsi que le public qui a eu la chance d'avoir été invité à la cérémonie sont unis comme un seul peuple pour célébrer ce joyeux événement. Il va sans dire que chaque ministre de ce gouvernement ainsi que moi-même sommes très attentifs. Numéro 72. Une demande de financement pour des travaux de rénovation? Ouais. Vous pouvez m'en dire un peu plus? D'accord. Ma femme m'a quitté. Très bien. Je suis allé voir les services sociaux pour qu'ils m'aident, parce que je veux pouvoir voir mes enfants. Très bien. Mais ils ont vu l'appartement et ils ont dit que ça devait être mieux, parce qu'il y a un dégât des eaux. Il faut que je répare. Vous n'êtes pas le locataire? C'est ma femme qui l'est, mais elle est partie. Je viens de vous le dire. Vous devez être le locataire principal de cette adresse avant que nous puissions ne serait-ce qu'envisager un paiement. Vous avez vu la commission? Non, c'est eux qui m'ont dit de venir vous parler à vous. Écoutez, je pourrais plus voir mes enfants si vous m'aidez pas. Il va falloir voir ça avec la commission. C'était donc un extrait de la série The Crown, saison 4, épisode 4. On entend donc le chômeur Michael Fagan, en fait, qui est connu pour avoir pénétré dans les appartements de la reine d'Angleterre. Et on l'entend pendant, et on le voit d'ailleurs pendant tout l'épisode, passer d'une file d'attente à une autre file d'attente pour percevoir des aides sociales. Au-delà du fait que l'administration soit une sorte de millefeuille avec des bureaux, des complications, des commissions à laquelle on n'a pas accès, il y a cette attente, en fait, qui non seulement forme peut-être à une vie administrative, qui peut-être conforme effectivement à une vie en société, mais qui surtout en fait rend la personne plus que patiente, en fait l'abîme, l'abaisse presque. Oui, tout à fait. Alors les services sociaux sont un très très bon exemple, à la fois parce que la baisse des moyens qui leur sont accordés font que les files d'attente s'allongent, et aussi parce que ils offrent un terrain pour voir des personnes qui sont justement dans une situation de demander des aides, un soutien à un moment donné parce qu'il y a eu un accident de la vie ou plusieurs, et dans lesquels on va justement faire attendre les gens. Et il y a des travaux qui ont été faits sur cette question hein, des services sociaux et de l'attente dans les services sociaux. Je pense en particulier à un travail assez stimulant de mon collègue Javier Ollero qui avait travaillé sur les demandes d'aide sociale dans la ville de Buenos Aires en Argentine, où il montrait justement comment est-ce que l'attente attendrissait d'une certaine manière les individus, pas au sens où on attendrit du point de vue amoureux, mais au sens où on attendrit la viande, où on la rend peut-être un petit peu plus malléable, parce qu'en les mettant dans cette situation d'attente, on allait les contraindre à accepter peut-être moins, peut-être pas. En fait, faire attendre, c'est déjà commencer à dénier quelque chose. C'est la meilleure manière de ne pas donner le service qu'on voudrait, ou de le donner de manière plus faible, moins importante, etc., etc. Et donc, l'extrait qu'on vient d'entendre est extrêmement révélateur de ça, puisque on a une personne qui va être baladée d'un espace à l'autre et qui, au fur et à mesure de son parcours administratif, va peut-être, via cette attente, rabaisser ses attentes. Et qui finalement va peut-être en perdre une certaine exigence, peut-être renoncer aussi à des aides. Est-ce qu'on peut se dire aussi que la file d'attente, elle a un effet dissuasif? C'est-à-dire en fait qu'on va aussi faire attendre des gens, on l'a entendu dans le texte de Bourdieu, c'est-à-dire que le puissant, le dominant va faire attendre à la fois pour marquer son pouvoir, mais aussi pour repousser les gens de sa domination et éviter que ces personnes-là peut-être aient accès à une forme d'égalité. Oui, vous avez tout à fait raison. Dans le livre, hein, j'essaie de traiter un petit peu de ces propriétés fondamentales des files d'attente. Alors, je dis qu'elles socialisent, donc elles forment, elles conforment. Je dis qu'elles individualisent. Mais je dis aussi qu'elles sélectionnent, parce que tout le monde, en fait, ne peut pas ou ne veut pas forcément attendre. Tout le monde ne peut pas attendre, ça veut dire qu'il y a des gens qui, à un moment, sont bien obligés, et Ollero en prend un exemple dans son livre, des mères de famille qui doivent à un moment aller nourrir les enfants, et l'attente est trop longue et l'espoir trop faible, donc elles vont aller travailler à l'extérieur. Donc on a bien cette situation-là, et on pourrait l'appliquer au champ politique, aux personnes qui voudraient bien faire de la politique, mais qui n'ont pas les moyens d'attendre, en fait, dans cette longue file d'attente un peu précaire, etc. Alors là où c'est intéressant, c'est que la file d'attente, elle sélectionne, elle exclut, mais elle auto-exclut aussi, parce que ce que j'ai remarqué sur les parlementaires de 2017, c'est que l'Assemblée de 2017 a permis à des élites sociales de revenir en politique alors qu'elles ne pouvaient pas le faire avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si il et elle voulaient rentrer en politique, il fallait passer à travers ce long sas, ce noviciat de la politique, dans des situations relativement subordonnées et ou précaires, et en tout cas plus mal payées que ce qu'il pourrait faire. Il y avait un cadre du privé qui me racontait que il avait son travail, que la politique ça l'intéressait énormément, mais que bon, lui, il était dans la banque, militant socialiste, et le parcours qu'il me décrivait, c'était il aurait fallu que je sois responsable de section, puis responsable fédéral, puis candidat à une élection ingagnable pour finalement peut-être être candidat à une élection gagnable qui serait peut-être même pas gagnée. Il a dit, moi j'avais mon travail, ça m'allait bien, mais quand s'est offerte la possibilité de contourner cette file d'attente, alors là, il a sauté sur l'occasion. Et donc, la file d'attente, elle sélectionne parce qu'elle exclut des gens qui n'ont pas les moyens d'attendre et qu'elle permet ou elle oblige d'autres à s'auto-exclure, à faire contre mauvaise fortune bon cœur et à aller ailleurs parce que le milieu est engorgé. Et on n'a pas besoin de penser qu'à la politique. Il y a plein d'autres secteurs à l'heure actuelle où les demandes de travail en fait sont largement supérieures aux offres et où en fait des gens qui, dans d'autres circonstances historiques, seraient venus travailler dans cette activité-là ne le font pas maintenant. C'est vrai qu'on peut parler du journalisme, on peut parler de Parcoursup, par exemple, qui est un bon exemple aussi d'élèves qui ont 18 ans et qui se retrouvent à attendre peut-être une place dans une formation. Oui, alors on peut parler des emplois déjà, donc on peut parler du journalisme, on peut parler, pour ce que je connais, du monde universitaire, dans lesquels vous allez avoir des moments d'attente de plus en plus longs. À l'arrivée à une certaine carrière, à un moment donné, une position stable, un CDI, etc., se fait de plus en plus tard. Dans le monde universitaire, ça a même été complètement formalisé par la dernière loi, la LPR, la loi sur la programmation de la recherche, où on instaure en fait un système où, après une thèse, après un postdoc, donc vous avez déjà plus de 30 ans, vous allez devoir être sur un dispositif de validation pendant 6 ans, où vous aurez un poste qui peut ou pas continuer après 6 ans. Normalement, on attendait jusqu'à après la thèse, après le postdoc, mais après, on pouvait espérer avoir un poste. Et là, on a repoussé en fait encore plus ce moment en fait où ça y est, on a un emploi et on peut s'y consacrer de manière plus sereine. On pourrait en parler longuement, mais bon, j'imagine que c'est pas le lieu. Et puis il y a d'autres milieux qui sont intéressants. Il y a en effet, je pense qu'on voit les mêmes phénomènes dans le journalisme. Il y a le pigiste, le CDD, le CDI. Voilà, il y a toute une série en fait de positions qu'on va occuper dans l'espoir en fait d'accéder au niveau supérieur. Mais la question qu'on pose, c'est qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on attend en fait. Et est-ce que on a vraiment le choix d'attendre ? C'est vrai, on peut s'auto-exclure, mais alors ça veut dire qu'on renonce d'une certaine manière. Mais si on reste, ça veut dire qu'on prend le risque de ne jamais avoir sa place. On prend aussi le risque de devenir comme les autres, d'être trop conforme. Mais si on essaye de s'en émanciper, on prend le risque d'être déloyal. Finalement, en fait, la file d'attente, elle nous condamne à un rôle qu'on ne choisit jamais. Ah bah, c'est sûr que ça fait partie de ces contraintes sociales qui pèsent sur les individus et sur lesquels, comme le dirait Sartre, tant qu'il reste des individus pris dans une existence sérielle, ne changeront pas grand-chose. Par contre, la leçon de Sartre, et qui est peut-être la dose d'optimisme ici, c'est que la mobilisation, pour peu qu'elle puisse fonctionner, aurait des effets. Mais à rentrer dans les files d'attente, en effet, on accepte le système tel qu'il est et on décide uniquement de le changer de l'intérieur. Ça c'est absolument certain. Mais je rebondis sur votre exemple de Parcoursup parce que je pense qu'en fait il est passionnant à la fois parce qu'il va toucher près d'un million d'étudiants chaque année, donc on met des gens dans cette position du candidat de manière extrêmement forte et en grand nombre. Je trouve qu'il est aussi une de ces files d'attente dématérialisées. On pourrait croire en fait que les files d'attente c'est une rémanence du passé, une histoire de pays pauvres qui n'existent plus. La propagande états-unienne, quand elle voulait moquer le bloc soviétique, montrait des files d'attente. On pourrait penser que c'est une rémanence ou un petit secteur, pas si petit malheureusement que ça, de la société, ça ne touche que les pauvres. Alors qu'en fait, pas du tout. Les files d'attente, elles sont omniprésentes dans nos vies au quotidien. On a commencé à en parler avec les emplois, mais il y a plein d'autres emplois qu'on pourrait mentionner. Et Parcoursup, je trouve, est vraiment exemplaire de ça parce que on va mettre des jeunes hommes, des jeunes femmes, dans un dispositif qui, justement, je ne sais pas s'il les forme, s'il les conforme, mais en tout cas, les place dans une situation de sélection et d'anxiété, puisque vous devez, pendant des semaines et des semaines, en fait, espérer avoir accès à une position et surtout ne pas oublier de vous reconnecter, donc Donc on vous discipline à venir vous connecter, parce que si vous oubliez de vous connecter dans la fenêtre de temps quand un choix a été validé, vous allez être exclu. Donc en fait, Parcoursup, c'est une extension de cette société des files d'attente dont j'essaie de montrer que si elles ne sont pas omniprésentes, en tout cas, elles sont très présentes. Le temps passait toujours plus rapide. Son rythme silencieux scande la vie. On ne peut s'arrêter même un seul instant, même pas pour jeter un coup d'œil en arrière. Arrête, arrête, voudrait-on crier. Mais on se rend compte que c'est inutile. Tout s'enfuit. Les hommes, les saisons, les nuages. Et il est inutile de s'agripper aux pierres, de se cramponner au sommet d'un quelconque rocher. Les doigts fatigués se desserrent, les bras retombent, inertes. On est toujours entraîné dans ce fleuve qui semble lent, mais qui ne s'arrête jamais. De jour en jour, Drogo sentait augmenter cette mystérieuse désagrégation, et en vain cherchait-il à s'y opposer. Dans la vie uniforme du fort, les points de repère lui faisaient défaut et les heures lui échappaient, avant qu'il eût réussi à les compter. Peu à peu, sa confiance diminuait. Il est difficile de croire à quelque chose quand on est seul et que l'on ne peut en parler avec personne. Juste à cette époque, Drogo s'aperçut à quel point les hommes restent toujours séparés l'un de l'autre, malgré l'affection qu'ils peuvent se porter. Il s'aperçut que, si quelqu'un souffre, sa douleur lui appartient en propre. Nul ne peut l'en décharger, si légèrement que ce soit. Il s'aperçut que si quelqu'un souffre, autrui ne souffre pas pour cela, même si son amour est grand. Et c'est cela qui fait la solitude de la vie. Sa confiance commençait à se lasser, et son impatience croissait. Et tout le temps, il entendait l'horloge qui sonnait des coups de plus en plus rapprochés. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était un texte de Dino Buzzati, un extrait du désert des Tartares, interprété par François Raison. C'est un texte que vous nous avez conseillé, Étienne Ollion. Et effectivement, on entend très bien ce que l'attente nous fait et comment elle nous discipline, même jusqu'en nous, on pourrait dire, comment on intériorise la puissance de la malléabilité qu'on a. C'est-à-dire qu'on devient presque mou, en fait, à cause de l'attente. Absolument, c'est un texte que j'aime bien parce qu'il m'a donné à penser dans ce travail sur l'attente, parce que voilà le récit en fait est le suivant. Vous avez ce soldat Giovanni Drogo qui est un jeune et sémillant officier tout juste sorti de l'école de l'armée et qui est envoyé dans un fort en garnison très très loin aux confins du royaume, avec pour seule mission de tenir un fort qui est placé par rapport à une ligne de front face à un ennemi imaginaire, ou en tout cas un ennemi qu'on n'a jamais vu ou que les mythes racontent qu'on a vu il y a des siècles et des siècles. Et pour Drogo, c'est un petit peu une punition, il ne veut pas rester là et il va chercher le plus rapidement possible à s'échapper de ce fort. Et ça ne se produit pas parce que il n'en a pas l'opportunité et parce que, toujours en étant en train d'attendre en fait cet ennemi qui ne vient pas, il va finalement accepter sa position et de moins en moins avoir le désir de partir. Il se ramollit, il accepte, en tout cas il se discipline. Et donc ce texte est je trouve extrêmement stimulant parce qu'il montre bien ce que l'attente des demandeurs d'emploi, l'attente des personnes dans les services sociaux, l'attente des personnes qui ont attendu très longtemps en politique, fait à la révision, à la baisse des attentes. Quand on a attendu longtemps et dans des conditions, il faudrait moduler un petit peu, dans des conditions pas forcément les plus stimulantes, un officier sémillant et prêt à faire une grande carrière ne veut plus, à la fin de sa vie, quitter le fort dans lequel il avait été envoyé comme premier détachement, il y aura passé sa vie, parce qu'il a fait sienne en fait les attentes du lieu, il a revu à la baisse ses propres désirs. Alors on voit bien que l'attente, la file d'attente peut nous préparer, mais qu'elle peut aussi nous user. Finalement, à quel moment on peut savoir jusqu'où attendre ? Parce que c'est bien le problème de l'attente, c'est qu'on attend et elle est toujours indéfinie. Donc jusqu'à quel point en fait on voit ce basculement où la formation en fait laisse place à une forme de discipline ? Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'on doit renoncer à attendre ? Est-ce qu'on renonce pas dans ce sens-là aussi à s'extraire en fait d'un certain mécanisme social? Vous posez une question de statisticien, Géraldine, puisqu'en fait, vous cherchez à connaître l'optimum d'une fonction. Et en effet, c'est une bonne question, mais je pense que à ce paramètre d'attente, de plus ou moins, qu'on est en train d'évoquer, il faut en rajouter un autre, et ça se voit très bien avec la politique, c'est le lieu où on attend. C'est-à-dire que si on attend dans une position relativement secondaire, certes, on va acquérir certains principes, on va connaître des choses, connaître des gens, mais on pourrait faire ça aussi en accéléré. Et c'est ce que font, et ça s'est très bien vu en 2017, des nouveaux arrivants, mais qui avaient une vraie expérience de la politique et qui ont été très efficaces, c'est les gens qui avaient été collaborateurs parlementaires ou collaborateurs de ministres. Parce qu'en fait, étant présents sur la scène nationale, étant en prise avec les enjeux et les personnalités nationales, ils avaient acquis à la fois les savoirs utiles, ils avaient des connaissances bien placées à l'Assemblée, dans les ministères, au gouvernement, etc., qui leur ont permis d'être extrêmement efficaces. Et justement, c'est à ce paramètre de temporalité de l'attente, il faudrait peut-être, et c'est ce que je tente de faire, rajouter le lieu de l'attente, parce que non seulement ces gens-là ont attendu, mais pas trop, et donc ils ne sont pas encore émoussés, mais ils ont profité de cette célérité aussi pour acérer d'une certaine manière leur désirs, leurs appétences, avec l'idée en fait que on a toujours rien ne leur résiste. Hein, tout s'est fait très vite. On a eu un enchaînement comme ça de possibilités, et donc ils ont été beaucoup plus rapides que les autres. C'est ce que dans une sociologie, une philosophie anglo-saxonne, on appelle le sense of entitlement. En fait, le fait de se sentir autorisé. Et ben ces gens se sentent autorisés. Et puis, une dernière question, Étienne Aulion, une fois qu'on a attendu, une fois que c'est notre tour, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'on est arrivé ou est-ce qu'on fait une autre, on entreprend une autre attente ? C'est très intéressant, ça dépend des gens, justement, ceux qui avaient... Surtout en politique, j'imagine. En politique, attendu très longtemps, sont parfois moins immédiatement prêts à rebondir, et donc on le voit très clairement. J'avais un député qui avait été arrivé à l'Assemblée après 30 ans de mandat locaux, et qui me dit à la fin de son mandat, j'ai été plutôt un second rôle de mon mandat, maintenant je voudrais prendre un premier rôle et donc espérer être réélu. Les personnes qui, elles, étaient arrivées assez rapidement et via les bons canaux, n'ont pas attendu un mandat pour jouer les premiers rôles. Merci beaucoup Étienne Aulion, j'étais ravie de vous recevoir pour parler de file d'attente. De vous, on peut donc lire Les candidats, novices et professionnels en politique. C'est paru aux éditions PUF cette année, il y a tout récemment. Merci beaucoup. Merci. Le pauvre de derrière m'insulte et me traite de con. Sans les trous, sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre, MK. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo. J'en trouve un rentre, y'a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour à Mac Morning, s'il vous plaît, quand elle me répond. Trop tard, désolé monsieur, il est midi. Et après-midi, eh bien le Mac Morning c'est fini. Je lui dis, quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je veux un morning salé, vous savez celui avec l'œuf. Elle me dit, il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis. Je lui dis, appelez-moi le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis, 2 secondes, sors de mon sac un calibre et la braque. Les gens derrière, qui étaient si impatients, maintenant s'écartent. Elle me dit, ok, prenez la caisse, moi je veux pas mourir, y'a plein de billets, plein de pièces. Je lui dis, un Mac Morning où je tire. 3 minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dû le dire. Je voulais juste un Mac Morning. Je pète les plombs. Putain j'pète les plombs, putain j'pète les plombs, mais j'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. J'pète les plombs, putain j'pète les plombs, putain j'pète des plombs, mais j'pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Alors tu recherchais

Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Van Rett, Anaïs Isbert, avec Nicolas Berger à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui Jacques Hubert et François Raison à la lecture des textes. Si vous voulez écouter cette émission sur la file d'attente et toutes celles d'ailleurs sur les objets inattendus de la philosophie, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France et rendez-vous lundi pour une toute nouvelle série et dès lundi au programme 4 visions de la télé. Pierre Bourdieu sur le petit écran, José Dayan, réalisatrice de cinéma mais à la télé, la publicité et la télé-réalité. Ce sera lundi.